Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré aux émotions ressenties par les victimes de pervers narcissiques. Aujourd'hui, je pose mes questions à Christine Calonne, psychologue et psychothérapeute. Christine, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir répondu présente à nouveau pour répondre à ces questions. Vous allez nous aider à identifier ces émotions, ces situations du quotidien. C'est essentiel pour les victimes, déjà d'une part, pour qu'elles puissent comprendre que le problème ne vient pas d'elles. Et c'est aussi très important de sensibiliser les proches de ces victimes pour expliquer un peu ce qui vit la personne dans son quotidien, parce que souvent on n'en a pas, on ne s'en rend pas compte en fait, alors que ce sont de vraies violences psychologiques qu'elles subissent voilà, une fois que la porte de la maison est fermée. Donc merci et pour les victimes et effectivement pour ce travail de sensibilisation auprès des proches. Alors tout d'abord, pour mieux comprendre ce sujet, brièvement, peut-on revoir les différentes phases de la relation et identifier la phase où tout bascule? Parce que bien évidemment, ce genre de relation commence généralement très bien. Oui, donc la première phase est toujours une phase d'idéalisation, de séduction réciproque, où la perverse narcissique essaye finalement d'attirer l'autre dans ses filets, et il ne s'agit pas de séduction amoureuse, il s'agit d'une séduction narcissique, c'est-à-dire qui a pour seul but finalement de mettre sous emprise, de dominer, d'exercer un pouvoir destructeur sur l'autre. Donc, dans cette phase d'idéalisation, il y a toutes sortes de compliments qui sont évidemment pas du tout sincères, et ces compliments sont accompagnés d'offres de cadeaux, d'invitations en tout genre, faire croire à l'autre qu'on a toutes sortes de points communs, qu'on est même l'âme sœur de la victime. On a ainsi, la victime a le sentiment qu'elle a enfin en face d'elle quelqu'un qui la comprend, qui la reconnaît, qui l'aime. Et finalement, le ou la perverse narcissique va aller saisir les failles, ce qu'il a observé avant la phase de séduction, et il va mettre le doigt sur les failles en disant à l'autre finalement ce qu'il ou elle veut entendre. Ouais, parce qu'au début, c'est tellement idyllique que du coup, la personne est en pleine confiance et se livre normalement, comme on le fait dans une relation saine. Du coup, c'est à ce moment-là que le pervers narcissique ou la perverse narcissique prend toutes les informations qui serviront après pour la phase suivante. Voilà, donc cette phase d'observation est antérieure à la séduction, et elle sert finalement d'occasion de saisir toutes les informations utiles pour justement dire à l'autre ce qu'il ou elle veut entendre. Et donc, cette phase de séduction, elle permet finalement de mettre en confiance la victime. Et donc, une fois que la victime est en confiance, à ce moment-là, elle peut accepter des choses qu'elle n'aurait pas acceptées dans d'autres circonstances. Donc, la deuxième phase, c'est le verrouillage. Le verrouillage, c'est vraiment coincer la victime dans une situation, par exemple, l'achat d'une maison prématurément, avoir un enfant prématurément, des choses qui la contraignent, un contrat, s'il s'agit par exemple d'une relation professionnelle. Et donc, toutes ces situations visent finalement à ne plus la laisser faire marche arrière au cas où elle verrait clair et elle démasquerait le ou la perverse narcissique. Donc ça, c'est le verrouillage. Et puis alors, on entre vraiment dans la troisième phase, l'emprise. Et dans cette relation d'emprise, bien tout à coup, et ça va très vite, une fois que, par exemple, la victime est mariée, tout à coup, du jour au lendemain, le pervers narcissique lui dit des choses tout à fait horribles, qui sont vraiment en complète contradiction avec ce qu'il ou elle lui disait avant dans la phase de séduction. Et donc là, la violence verbale, psychologique, physique parfois, sexuelle se met en route et économique bien sûr. Et donc ces violences alternent bien sûr avec des messages toujours positifs, mais qui se font de plus en plus rares avec le temps, puisque le pervers narcissique, contrairement à d'autres manipulateurs, est plutôt dans un harcèlement croissant avec le temps. Et ce harcèlement, c'est vraiment des atteintes à la dignité et à l'intégrité de la victime, de sorte que finalement, elle s'éteint progressivement, elle perd son énergie, elle n'a plus du tout d'estime d'elle. Et donc là, cette emprise amène finalement à la dernière phase, c'est la destruction Et dans cette destruction, elle n'a plus aucune énergie. C'est finalement le but du ou de la perverse narcissique, c'est d'amener l'autre au suicide. Donc, il y a un désir de détruire jusqu'au bout, jusqu'à ce que la victime d'elle-même décide de se suicider. Et c'est ça qui est la particularité des pervers narcissiques. Contrairement aux autres manipulateurs, c'est que c'est volontaire, c'est conscient, c'est calculé, c'est organisé. Et ça vise à la destruction physique, c'est-à-dire qu'elle va décider d'elle-même, d'une part, de s'assujettir, d'autre part, de se détruire. Et donc, les autres manipulateurs n'ont pas cette caractéristique-là. C'est une autre raison qui les amène à vouloir exercer une emprise sur l'autre, mais pas le désir de détruire l'identité de l'autre et même de détruire physiquement l'autre. Mais ne détruisent jamais physiquement l'autre. Ils sont trop manipulateurs et calculateurs pour ça. Ils poussent l'autre à la destruction. Voilà les étapes progressives. Merci d'avoir rebalayé ces étapes-là pour qu'on puisse mieux comprendre. Effectivement, surtout quand la victime, par exemple, au début, dit qu'elle a rencontré la personne idéale, c'est encore plus difficile après pour ces personnes-là de se dire non, en fait, elle dit qu'elle vient d'en faire ou elle dit qu'elle vient d'en faire, on ne comprend pas, c'est sûrement autre chose, etc. Donc, c'est vraiment pervers, quoi. Effectivement, c'est. Oui. Oui, tout à fait. Alors, ma deuxième question, puisque c'est le sujet du jour, ça me sont les émotions. Quelles sont les émotions principales ressenties par les victimes de pervers narcissiques et concrètement, comment cela se traduit dans les situations au quotidien? Alors, les émotions, il faut bien comprendre que ce que la victime ressent principalement, c'est ce que le pervers ou la pervers narcissique projette en elle. Donc, le pervers narcissique, il ne veut pas ressentir, il ne veut pas être en position d'être vulnérable, c'est-à-dire finalement d'éprouver des émotions. Et donc, il veut injecter ces émotions dans l'autre pour ne pas les ressentir, pour ne pas souffrir. Et cette injection d'émotions, elle se fait à travers ces violences récurrentes. Et donc, les émotions pénibles, évidemment, qu'il nie en lui, c'est la honte, c'est la culpabilité, la peur, la tristesse, le désespoir. Et il fait vivre tout cela à la victime. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le sentiment de honte? Eh bien, c'est un sentiment qui est relatif finalement à l'image qu'on a de soi et qui résulte finalement d'une non-adaptation aux codes sociaux, aux exigences sociales, que ce soit sur le plan vestimentaire, corporel, au niveau de toutes les attitudes sociales. Et donc, c'est provoqué par les réflexions, c'est ça, du partenaire qui fait comprendre de manière insidieuse que ce n'est pas assez bien. Voilà, c'est ça. Donc, il lui fait comprendre qu'elle n'est jamais adaptée, elle n'est jamais assez bien, c'est toujours à côté de la plaque, elle n'est pas assez comme ceci, elle devrait être comme cela. Elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. Voilà, et donc évidemment, ce sentiment de honte, il est accompagné de tristesse et de colère. Parce que quoi qu'elle fasse, finalement, la victime, elle n'est jamais bien, elle n'est jamais assez bien, quoi qu'elle fasse. Parce que certaines victimes essayent de s'adapter, essayent de correspondre à ce qu'elles croient qu'il faut faire ou être. Et elles n'y arrivent pas, parce que c'est le but du pervers narcissique, c'est de constamment lui faire sentir qu'elle n'est rien, qu'elle est une incapable, qu'elle n'y arrivera pas. Et donc, qu'elle n'est pas à la hauteur. Voilà, donc. C'est toujours vraiment destructeur au niveau de l'intégrité psychique et donc du sentiment de dignité. Et donc, la victime, finalement, se fige dans son corps. Elle est stupéfaite, elle est sidérée de voir que quoi qu'elle fasse, finalement, elle revit chaque fois ce sentiment de honte, cette peur, cette tristesse et cette colère parfois. Mais en général, c'est la colère qui est vraiment refoulée parce qu'il y a la peur des représailles et la victime ressent très, très vite finalement que si elle exprime le moindre désaccord, si elle ose exprimer un sentiment de colère, une émotion de colère, là, elle sera l'objet de représailles. Donc, la colère, elle disparaît. Elle disparaît ou elle n'a pas. Elle est adaptée finalement. Oui. Donc, c'est vraiment l'hyperadaptation qui va prédominer pour apaiser le pervers narcissique et sans résultat finalement, puisqu'il n'y a pas moyen de l'apaiser, puisqu'il veut se défouler sur elle. Et donc, l'autre sentiment, à part la honte, c'est la culpabilité. Donc, il lui fait sentir qu'elle fait constamment des erreurs. qu'elle n'est pas parfaite, elle devrait être parfaite, et donc il va pointer l'erreur, il va pointer la faille pour lui montrer qu'elle n'est pas parfaite, et donc si elle est coupable, eh bien elle est nulle. Hein. Donc c'est souvent les deux choses qui vont ensemble, tu es coupable et tu es nulle. Hein. Donc c'est vraiment pointer la faute, pointer l'erreur, pointer l'imperfection, alors que finalement on est tous imparfaits et que la perfection n'existe pas, mais elle va finir par croire qu'elle devrait être parfaite et que bah, elle est coupable de ne pas être parfaite. Donc ça, c'est ce qu'il veut lui faire croire, et voilà. Et d'accord, dans le quotidien, ça se traduit sur n'importe quel genre de petites remarques, mais finalement, c'est mis bout à bout, et puis entre les petites et les remarques encore plus blessantes, voilà, ça fait un tout, ça crée un tout. Mais ça peut être, t'as pas mis assez de sel, mais de manière quotidienne, on va dire. Là, tes cheveux ne sont pas bien coiffés, dès qu'elle bafouille, oui, tu es nulle, tu ne sais pas t'exprimer. Enfin, c'est à tous les niveaux, que ce soit la cuisine, que ce soit l'éducation des enfants, la vie professionnelle, tout y passe. Hein. Jamais rien ne va, effectivement. Oui. Et l'accumulation fait que ça devient un trop-plein pour une seule personne. Et... Oui, c'est vraiment l'accumulation des violences psychologiques qui fait que c'est difficile quand on essaie de dire à quelqu'un oui, il ou elle m'a dit ceci, ceci, ceci, cela, mais quand ça paraît tellement anodin, on sait parler de choses du quotidien, sauf que quand c'est de manière répétée, c'est invivable, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'effet cumulatif de ces micro-violences au quotidien qui explique l'effet de sidération. On entend toujours la même chose, et puis à force d'entendre toujours la même chose, c'est comme l'endoctrinement dans les sectes. Hein. Ben voilà, on répète, et puis on finit par être perturbé. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'effet cumulatif des violences et du contrôle qui accompagne évidemment ces violences. Elle est isolée dans la phase d'emprise, elle est isolée. Et donc, c'est d'autant plus prégnant qu'elle n'a plus finalement comme interlocuteur que le pervers narcissique. Donc, quand on entend quelqu'un qui nous fait un compliment, puis un autre qui nous fait une critique, ben voilà, on fait la part des choses. Oui, mais quand on est constamment finalement l'objet de critiques, ben voilà, on finit par perdre l'estime de soi. Donc la peur, la tristesse, voilà, sont des émotions très présentes chez la victime, qui est vraiment en état de sidération et qui donc plonge dans un état de dépression. Et ça, c'est un vécu très important chez les victimes, dépression et burn-out. Donc, burn-out, c'est plutôt la perte d'énergie vitale à force d'être agressé. Les hormones du stress font que ton énergie baisse de plus en plus. Et la dépression, c'est l'accumulation des critiques et donc qui la plonge dans la culpabilité. Et donc, cette culpabilité, elle s'aggrave et donne une perte d'estime de soi, culpabilité, perte d'estime de soi, là, c'est vraiment la dépression. Ouais. Effectivement, donc cette fatigue, parce que, comme vous le dites très justement, c'est et puis en plus de ça, c'est usant d'entendre constamment, et puis la victime essaie de se battre finalement sans gain de cause, et pour cause, effectivement. Donc on le voit, ça se traduit vraiment au quotidien, de la plus petite remarque à la remarque la plus blessante, effectivement, c'est tout un éventail. Y a-t-il une phrase, on va dire symptomatique, que vous, en tant que spécialiste, vous entendez régulièrement de la part des victimes, où vous dites, bah oui, enfin, effectivement, vous êtes victime de pervers narcissique. Est-ce qu'il y a une phrase qui revient assez régulièrement? Oui, en fait, la victime, elle intériorise le discours du pervers narcissique. Et donc, finalement, elle dit spontanément, dès qu'elle fait une erreur, déjà dans la prise de rendez-vous, parfois ça arrive, hein, elle téléphone, elle se trompe dans quelque chose, et je suis vraiment conne, hein, je suis nulle. Ah, ça, c'est vraiment les phrases symptomatiques. Je suis conne, je suis nulle. C'est vraiment… Et elle y croit. Hein, donc, ça, c'est vraiment très symptomatique. Très bien. Et alors, donc, ce flot d'émotions négatives, on vient de le dire, épuise les victimes qui n'ont plus du coup la force nécessaire pour chercher à se battre et à sortir de cette prison, qui est pourtant une prison presque invisible. Quel conseil pouvons-nous donner à ces victimes pour leur apprendre à réguler ces émotions et à garder un petit peu de ressources en elles? Alors, le premier conseil pour réguler les émotions, c'est de respirer. Parce que souvent, quand on est en état de sidération, on respire vraiment à minima, on essaye de s'effacer du paysage pour ne plus être l'objet de la violence. Et en réalité, ça augmente le stress. Hein. Donc, plutôt que de respirer à minima, c'est de faire l'exercice de la cohérence cardiaque. On trouve ça sur Internet. Il y a des petites vidéos YouTube où on voit une petite boule qui monte et qui descend. Et donc, on prend le rythme 4-6, c'est-à-dire 4 secondes à l'inspire quand la boule monte, 6 secondes à l'expire quand la boule descend. Et les études scientifiques hein, sur les effets du stress montrent qu'en 5 minutes, les hormones du stress diminuent de moitié dans le sang. Donc, c'est très précieux quand on est vraiment l'objet de violence au quotidien, parce que pendant 3 heures, on a une diminution des hormones du stress qui permet alors de remobiliser son énergie pour aller chercher des ressources. Et ça, c'est une autre façon finalement de réguler ses émotions, aller chercher des ressources, soit faire une activité qui nous fait du bien, aller chercher une personne à l'extérieur qui nous comprend, qui est bienveillante, qui est encourageante, valorisante. Et donc, c'est des ressources précieuses, aller dans un lieu qui nous apaise. Tout ça permet de réguler les émotions. Ça peut être dans l'urgence, boire un petit coup d'eau. L'eau, le fait de boire de l'eau a un effet physiologique d'apaisement. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. Quand on vient de subir une violence, boire un petit coup d'eau, voilà, ça peut aider. On peut aussi focaliser son attention sur l'extérieur, par exemple sur un objet qui nous apaise, ou une couleur, une odeur, l'huile essentielle, une bonne huile essentielle qui est apaisante. Tout ça, c'est des petits moyens qui permettent vraiment de réguler les émotions. Et donc, on peut aussi se rappeler une ressource du passé. Et si dans l'immédiat, on n'a pas de ressource à sa portée, on peut tout simplement faire la cohérence cardiaque en pensant à un souvenir antérieur à la relation où on a pu retrouver l'apaisement, de nouveau, que ce soit une personne, un lieu, un animal, n'importe quoi qui vraiment peut nous aider à réguler nos émotions. Ça, c'est précieux aussi. Très bien. Alors, je me permets de rappeler, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » dans la collection « Récits et témoignages ». Que pouvez-vous nous en dire? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, donc, « Les victimes de pervers narcissiques » décrit vraiment le vécu de la victime. Tout ce qu'on vient de dire par rapport au vécu émotionnel, au vécu du corps, au vécu du stress post-traumatique que vit la victime dans la relation pervers narcissique. Ça permet de mieux comprendre ce qui arrive quand on est dans l'incompréhension, c'est le pire. Donc, comprendre ce qui nous arrive, ça aide beaucoup les victimes. Elles me le disent souvent. Hein, donc, qu'est-ce que le stress post-traumatique? Qu'est-ce que la dépression, le burn-out, comment repérer les violences, je parle du repérage de la violence, comment on repère l'emprise, la personnalité perverse narcissique, et alors l'aspect justement de reconstruction. La deuxième partie du livre, c'est vraiment axé sur la reconstruction de la victime. Ok, elle a été détruite dans son identité, ça ne veut pas dire qu'elle est foutue, comme disent certains patients. Hein, donc, voilà, on peut renaître à la vie. Et donc, j'explique qu'il y a de nombreuses ressources dans notre inconscient, même si on croit qu'on n'en a plus, on en a encore, mais parfois, il faut un petit peu de pouce. Et donc, là, je donne plein de bons conseils pour essayer de récupérer des ressources internes, externes, et voilà, petit à petit, se reconstruire. Le type de psychothérapie vraiment le plus efficace pour aider les victimes, moi je fais de la psychothérapie EMDR et polyvagale, donc qui tient compte à la fois du corps et de l'esprit. Et c'est très important qu'on vit un stress post-traumatique. Comprendre ne suffit pas. On ne peut pas guérir uniquement par la compréhension. C'est important de guérir le corps qui a subi un tel stress qu'en état de sidération, on peut être de nouveau la victime, de nouveau prédateur, qui repère la sidération et qui se disent « Ah, bonne affaire, je vais pouvoir la manipuler facilement puisque le corps est en sidération, il ne sait plus réagir, on ne sait plus se protéger. » Et donc là, c'est très important aussi de voir qu'il y a aujourd'hui des méthodes spécifiques pour traiter les traumatismes liés aux violences. J'ai juste une petite question en ce qui concerne l'EMDR. Est-ce que cette thérapie peut être entamée alors qu'on est encore dans la relation ou est-ce qu'il faut vraiment attendre d'en être sorti? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, l'EMDR, par rapport au retraitement des traumas, il se fait après l'emprise. Donc, par contre, l'EMDR, pour donner des ressources, ça, c'est très utile. Comme la thérapie polyvagale, elle est très utile aussi pour justement comprendre cet effet de sidération au niveau du système nerveux, les parties du moi qui finalement se mobilisent, mais qui le font de façon inefficace. Hein. Au moment du trauma, c'est intéressant de se figer pour ne pas avoir des réactions inappropriées qui pourraient encore davantage aggraver l'agressivité de l'agresseur. Mais après le trauma, le figement, c'est une catastrophe. Hein. Donc, en termes de santé physique, mentale, en termes de relations aux autres, le combat, hein, les trois mécanismes de survie que décrit la théorie polyvagale, c'est combattre, fuir, se figer. Donc, au moment de l'emprise, on est figé, mais après, on peut entrer dans le combat et ce n'est pas mieux. Si on combat, on a des réactions d'agressivité inappropriées parce qu'on voit le danger là où il n'est pas, parce qu'on est tout le temps en hypervigilance. Et donc, on peut avoir des crises de colère inappropriées et avoir une instabilité émotionnelle qui fait qu'on n'arrive pas à reconstruire aussi des relations. Donc, tout cela, eh bien, la théorie polyvagale et la thérapie polyvagale donnent des outils pour comprendre ces parties de son moi, pouvoir les réguler, elles aussi, les aider à s'apaiser. Et quand on est apaisé, c'est l'adulte qui est aux commandes. Et ces réactions d'adulte, c'est prendre du recul, observer, pouvoir réguler ses émotions et être créatif pour trouver de nouvelles solutions. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je rappelle le titre du livre « La victime de pervers narcissique, guérir le traumatisme », c'est aux éditions Ellipse. C'est vraiment un ouvrage, à mon sens, indispensable, autant pour les victimes que pour les proches. Et effectivement, souvent, les victimes sont seules, elles n'osent même pas ou elles ne savent même pas exprimer ce qui se passe. Et là, effectivement, elles ont toute une collection de témoignages. Et là, voilà, elles se disent, effectivement, ça peut se passer comme ça, je ne suis pas toute seule, il faut que j'en parle, il y a des solutions. Parce que l'idée aussi, effectivement, c'est de montrer qu'il peut y avoir des solutions. Et bien sûr, si vous vivez ce genre de situation et que vous ne savez pas comment sortir, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel, un professionnel, à en parler à vos proches. Et puis, un professionnel saura justement vous aider à comprendre ce que vous vivez et puis vous apportera justement les clés hein, pour essayer d'identifier les traumatismes et aller de l'avant. Si vous êtes un proche également et que vous ne savez pas comment aider une ou un ami dans ce genre de situation, n'hésitez pas également à prendre conseil auprès d'un professionnel. Et justement, Christine Callon, comment faire pour vous consulter ou vous poser des questions? Alors, vous avez mon site internet, www.psychothérapie-callon.be. Il y a la chaîne YouTube aussi où vous avez toutes sortes de conseils et d'explications de ce qu'on vient de dire notamment. Et vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail sur le site internet. Ça vous permettra de me contacter. Et bien sûr, je remettrai toutes ces informations-là dans le descriptif de la vidéo. Et déjà, je tenais à vous remercier infiniment, Christine Callon, pour déjà pour cette interview et puis pour le travail que vous faites. Et nous tenions à remercier également chacun et chacune pour vos témoignages en commentaire de nos vidéos, parce que chaque message nous touche beaucoup. Et ils aident donc certainement d'autres personnes, comme on vient de le dire, à se sentir moins seules, à mieux comprendre. Donc merci à tous pour tout cela. Et vous, que vivez-vous? Quel est votre quotidien? Comment vivez-vous avec vos émotions? N'hésitez pas à nous laisser justement vos avis, questions et commentaires. Et n'oubliez pas, tout le monde a le droit d'être heureux. Et n'hésitez surtout pas à faire appel à des professionnels qui sont là aussi pour vous aider et renouer avec le bonheur. Un grand merci à nouveau. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.